Parmi les grands non-sens entendus cette semaine, j'aimerais retenir les affirmations du ministre délégué aux ressources naturelles du gouvernement libéral, Serge Simard. Ce ministre a affirmé, comme on pouvait le lire dans un article du Devoir de mardi dernier, à propos de la réforme de la loi sur les mines, il a donc affirmé que transformer le minerai au Québec serait néfaste, qu'imposer des contraintes aux entreprises causerait de graves problèmes et que ce protectionnisme créerait de la pauvreté. Il faudrait d'abord que le ministre nous explique comment la création de bons emplois pourrait créer en même temps de la pauvreté. Mais surtout, il est important de comprendre à quel point les propos de Serge Simard relèvent d'un embrigadement idéologique et à quel point la réalité et les faits viennent démentir ces propos. Premièrement, ne pas imposer de contraintes aux entreprises équivaut à une déréglementation tous azimuts. Or, la crise de 2008, entre autres, nous a montré les dangers de cette déréglementation. Lorsque l'environnement et les emplois sont aussi en jeu, il devient carrément irresponsable de tout laisser aux mains de la seule entreprise. Deuxièmement, si l'entreprise peut en effet réaliser de bons profits en de pareilles occasions, mais à quel prix? L'expérience nous montre que ces profits ne sont jamais bien répartis. Et si, en plus, les investisseurs sont étrangers, comme le souhaitent les libéraux, ce sera décidément zéro retombée pour le Québec. Troisièmement, les propos du ministre relèvent d'une inquiétante démission démocratique. Dans son optique, ce ne sont plus les élus qui gouvernent au nom de la majorité, mais bel et bien des actionnaires au nom de leurs seuls profits. De nombreux enjeux sont liés à l'exploitation des mines au Québec, surtout avec la lancée du plan Nord du gouvernement Charest. Alors parmi ceux-ci, la protection de l'environnement, les redevances, la création d'emplois en région, les droits des Autochtones et surtout l'héritage que nous laisserons aux prochaines générations. Tout ça nous force à réfléchir sur le modèle de développement économique que nous souhaitons. Mais une chose est sûre, la soumission totale aux intérêts des entreprises et des actionnaires souhaités par le ministre Serge Simard et les libéraux, c'est de loin la pire façon d'aborder la question.